Chapitre 30e. Après dîner. Frank retourna heureux chez lui en se félicitant de son excursion. Ce ne fut qu'en arrivant à Greshamsbury qu'il se prit à réfléchir à ce qu'il lui restait à faire. C'était beaucoup d'avoir obtenu de Mary de garder pendant quelques instants sa main dans la sienne. Certes, un grand obstacle était déjà surmonté, mais il en avait encore beaucoup d'autres à combattre avant d'arriver à un heureux résultat. Ses idées devaient aussi se présenter tout naturellement à l'esprit de Mary, mais ce n'était pas à elle de vaincre ses difficultés, et elle éprouvait une espèce de consolation à la pensée qu'on ne pourrait jamais l'accuser d'avoir nui de propos délibérés à la cause des deux Courcy. Son devoir se bornait à avouer à son oncle tout ce qui s'était passé. Cette confession était assez difficile à faire, mais elle n'en redoutait pas les suites. Elle savait bien qu'entre elle et son oncle, il n'y aurait jamais qu'une sollicitude pleine d'affection. Cependant, elle avait encore un autre devoir à remplir. Frank devait apprendre le secret de sa naissance. Il saura ainsi, se dit-elle, l'occasion de rétracter ses paroles s'il le désire. Il est juste qu'il en ait la possibilité. La tâche de Frank était plus compliquée. Il avait dit à Béatrice qu'il ne ferait pas un mystère de son amour pour Mary, et il comptait tenir parole. Il devait une entière confiance à son père. Il était prêt à la lui accorder. Il savait que, pour le moment, il lui était impossible d'épouser une jeune fille sans fortune, qu'il obtint ou non le consentement de son père. Mais il était de son devoir, pensait-il, de lui faire part de ses projets et de délibérer avec lui sur ce qu'il y avait à faire. Il résolut donc de lui en parler lorsqu'il se trouverait seul avec lui après le dîner. Il s'habilla à la hâte, car la cloche du dîner avait sonné au moment où il rentrait, et il s'empressa de se rendre à la salle à manger tout en se fortifiant dans sa bonne résolution. Mais lorsqu'arriva le dessert, lorsque Lady Arabella a bu son verre de vin de Bordeaux et que ses sœurs mangèrent leurs fraises, Frank commença à sentir faiblir son courage. Sa mère et ses sœurs ne vinrent nullement à son secours en prolongeant leur dessert. Il pressa bien Lady Arabella de prendre un second verre, mais Lady Arabella était non seulement très modérée dans ses habitudes, mais encore elle était très mécontente de son fils. Elle se doutait de sa visite à Boxall Hill et n'attendait qu'une occasion favorable pour le questionner sévèrement à ce sujet. Elle sortira bientôt, suivie de son cortège maternel. « Donnez-moi une de ces belles groseilles, Frank, » dit la petite Nina en se glissant sous le bras de son frère avant d'opérer sa retraite. Frank lui en eut volontiers donné une douzaine, mais elle s'échappa après avoir obtenu ce qu'elle désirait. Le squire était très gai ce soir-là. Nous ne saurions dire pourquoi. Peut-être avait-il réussi à négocier un nouvel emprunt et à calmer momentanément ses inquiétudes. « Eh bien, Frank, qu'avez-vous fait aujourd'hui ? » dit-il en poussant le carafon vers son fils. « Pierre m'a dit que vous étiez sorti sur le cheval noir. Suivez mon conseil, mon ami, ne l'exercez pas trop pendant les chaleurs. Ses jambes ne le supporteraient pas, quelque bonne qu'elle soit. » « J'étais obligé de sortir aujourd'hui, mon père. » Je ne pouvais donc choisir qu'entre la vieille jument et le jeune cheval. Pourquoi ne pas prendre Ramble ? Ramble était le cheval de selle du squire, celui dont il se servait quand il allait visiter ses fermes et de temps à autre pour se joindre à la chasse. Je n'y aurais jamais songé, mon père. Mon cher enfant, il est entièrement à votre service. Donnez-moi un peu de vin, je vous prie. Il est à votre service, Frank. Les seules courses à cheval que je fasse sont pour surveiller la rentrée des foins. « Merci, mon père, ce n'est pas de refus si j'en ai besoin. »« Ne vous gênez pas, mon enfant, mais surtout ménagez les jambes de votre cheval noir. Il devient plus beau que je ne l'espérais, et ce serait bien dommage de le gâter. »« Où avez-vous été aujourd'hui ?»« Mon père, j'ai quelque chose à vous dire. »« Quelque chose à me dire ?» Et la gaieté du squire fit tout à coup place à cette expression morose et inquiète que les ennuis et le chagrin n'avaient rendu que trop habituelle chez lui. « Quelque chose à me dire ?» Pour le squire, ces mots présageaient toujours quelques difficultés pécuniaires. Il avait pour son fils une affection sans bornes. Il l'eût aimé en toutes circonstances, mais Frank s'était rendu plus cher à son père par la raison qu'il ne lui avait jamais causé d'ennui sous ce rapport. Il n'était ni exigeant comme Lady Arabella, ni égoïste comme son cousin Lord Parlock. Mais il avait peut-être quelque embarras d'argent. Telle fut la première pensée du squire. Qu'y a-t-il, Frank ? Vous avez rarement eu à me dire quelque chose qui ne me soit pas agréable. » Et l'expression de son visage se radoucit un instant lorsque ses yeux tombèrent sur son fils. « J'étais à Boxall Hill, mon père. » Les pensées du Squire prirent alors un tout autre cours. La crainte d'une vexation passagère fit place à une anxiété véritable pour son fils. Il n'avait été pour rien dans l'exil de Mary, et il l'avait vu avec peine s'éloigner une seconde fois de Greshamsbury, mais il n'avait jamais mis en doute la nécessité de séparer Frank de Mary Thorne. Hélas, il n'était que trop nécessaire, et cela par sa propre faute, que son fils épousa une dot. À Boxall Hill, Frank, était-ce bien prudent, était-ce même généreux vis-à-vis de Miss Thorne, que votre imprudence a forcé à y chercher refuge? Je crois qu'il est bon que nous nous entendions à ce sujet, mon père. Remplissez votre verre, Frank. Frank obéit machinalement et passa la bouteille. Je ne me pardonnerai jamais si je vous trompais ou si je vous cachais quelque chose. Je ne crois pas qu'il soit dans votre caractère de me tromper, Frank. Le fait est, mon père, que je suis décidé à épouser tôt ou tard Mary Thorne, à moins qu'elle ne me refuse formellement. Jusqu'à présent, elle m'avait refusé, mais maintenant je crois que je puis me considérer comme accepté. Le squire porta son verre à ses lèvres et ne répondit pas sur le moment. Il y avait chez son fils une volonté mâle et calme, mais en même temps modeste, dont il ne s'était pas encore douté. Frank avait atteint légalement sa majorité à l'âge de 21 ans, mais la nature avait attendu pour sanctionner cet acte qu'il eût atteint sa 22e année. La nature attend quelquefois bien davantage. Le squire continuait à savourer son vin de Bordeaux. Il importait qu'il réfléchît avant de répondre à une déclaration aussi formelle de la part de son fils. « Je crois pouvoir le dire, » continua Frank avec une modestie peut-être inutile, « elle est si droite que si telle n'était pas son intention, elle me l'aurait déclaré franchement. Ai-je raison, mon père, de penser que quant à ce qui la concerne personnellement, vous ne vous opposeriez pas à l'avoir pour belle-fille ? Pour ce qui la concerne personnellement, dit le squire, heureux que son fils lui présentât le sujet sous un point de vue qui lui permit de se prononcer. Oh, pour ce qui la concerne, elle, je ne m'y opposerai nullement, car je l'aime beaucoup. C'est une excellente fille. J'ai toujours eu du plaisir à la voir ici, mais... Je sais ce que vous allez dire, mon père. C'était plus que le squire n'en savait lui-même. Un pari mariage est imprudent, n'est-ce pas? Il est plus qu'imprudent, Frank. Je crains qu'il ne soit impossible. Impossible, mon père? Il n'est point impossible. Oui, mon fils, matériellement parlant, il est impossible. De quoi vivriez-vous? Que feriez-vous de vos enfants? Vous ne voudriez pas voir votre femme malheureuse et dans le besoin? Non, certes. Vous ne voudriez pas commencer avec la gêne et finir avec la ruine? Et tel serait votre sort si vous épousiez maintenant Miss Thorne. Frank saisit le mot maintenant. Je ne compte pas me marier tout de suite, mon père. Je sais que ce serait imprudent, mais j'ai donné ma parole et je ne puis me rétracter. Et à présent que je vous ai tout dit, que me conseillez-vous de faire? Le squire resta un instant silencieux, tenant toujours son verre en main. Il n'y avait dans la conduite de son fils rien qui pût provoquer sa colère. Comment donc lui répondre? Le fait est que M. Gresham avait conscience de la supériorité intellectuelle de son fils et qu'il ne se sentait pas le plus fort dans cette discussion. Connaissez-vous l'histoire de Mary? L'histoire de sa naissance? Dit-il enfin. Je n'en sais pas un mot. Je ne savais pas qu'elle eût une histoire. Ni elle non plus, du moins je ne le crois pas. Mais vous allez la connaître. Je vais vous la dire, Frank. Non, pour vous éloigner d'elle, tel n'est pas mon but, puisque je ne doute pas que vous n'en reconnaissiez bientôt vous-même la nécessité. La naissance de Mary n'est pas telle qu'on peut la désirer pour votre femme. Elle ne pourrait que nuire à vos enfants. S'il en est ainsi, mon père, j'aurais dû le savoir auparavant. Pourquoi l'avoir introduite parmi nous? C'est vrai, Frank. C'est ma faute et celle de votre mère. Mais les circonstances l'ont ainsi voulu il y a bien des années, alors que nous ne pensions pas à ce qui pouvait en résulter. Je vais vous raconter son histoire. Mais souvenez-vous que, quoi que je vous le dise sous le sceau du plus profond secret, vous êtes parfaitement libre de dire au docteur que je vous l'ai révélé. Du reste, si cela est nécessaire, je le lui dirai moi-même. Et le squire raconta à son fils ce que nous savons de l'histoire de Mary. Frank resta tout interdit. Lui aussi, comme tous les Gresham, attachait une grande importance à la naissance. Il avait dit à sa nièce qu'il haïssait l'argent et la propriété, mais il aurait eu de la peine, même dans ses moments de plus vive opposition, à lui dire qu'il haïssait son arbre généalogique. Il y tenait beaucoup, au contraire, bien que, comme tous les hommes de bonne famille, il en parlât rarement ou jamais. C'est une de ces choses dont la possession suffit, Un homme qui a un arbre généalogique n'éprouve pas le besoin de se vanter de ce qu'il possède, ni d'en faire parade, mais il n'y attache peut-être que plus d'importance. Frank avait toujours regardé Mary comme un rejeton de l'arbre d'Eulathorne, non sans doute comme une des principales tiges de la branche mère, mais comme n'en participant pas moins à la pure sève de ce vénérable tronc. Aussi fut-il consterné en apprenant son origine. « C'est une triste histoire, » dit le père. « Oui, bien triste, » dit le fils en se levant et en s'appuyant sur le dossier de sa chaise. « Pauvre Mary, pauvre Mary. Il faudra bien qu'elle le sache, un jour. Je le crains, Frank. » Et ils restèrent quelques instants silencieux. « J'apprends cela trop tard, mon père, » dit enfin Frank. « Cela ne peut désormais influer en rien sur ma résolution. À vrai dire, » ajouta-t-il en soupirant, « je l'aurais su plus tôt qu'il en eût été de même. » « J'aurais dû vous le dire il y a longtemps, Frank. »« Cela n'aurait rien fait, mon père. Dites-moi, qui étaient les parents de Miss Dunstable et la famille de ce Moffat, d'où sortait-elle ?» Cette question était peut-être cruelle de la part de Frank. Le squire, toutefois, n'y répondit pas. « J'ai cru de mon devoir de vous dire ce qu'il en est, » reprit-il. « Vous êtes libre de faire là-dessus vos commentaires, mais je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'en pensera votre mère. » « Que pensait-elle de la naissance de Miss Dunstable ?» dit Frank avec un redoublement d'amertume. « Non, mon père, » continua-t-il après un moment de silence, « cela ne peut ni ébranler ma résolution, ni diminuer mon amour pour Mary. Et alors même que cela serait possible, ce qui ne peut l'être, cela n'annulerait point mon engagement. Je suis fiancé à Mary Thorne. Que me conseillez-vous donc de faire dans les présentes circonstances ?» La conversation du squire et de son fils fut longue, assez longue pour déranger tous les plans de Lady Arabella. Elle avait résolu de rappeler son fils à l'ordre ce soir-là même, et dans ce but, elle s'était installée dans le petit salon où son auguste belle-sœur avait précédemment fait la leçon à Frank. Elle avait chargé ses filles de lui envoyer leur frère dès qu'il sortirait de la salle à manger. Pauvre femme, elle attendit jusqu'à 10 heures et dut se passer de son thé. Le squire tenait très peu de la nature de Barbe Bleue, mais il avait réussi à faire comprendre dans sa maison qu'il n'entendait pas être interrompu par les messages de sa femme pendant l'heure qui suivait le dîner. Comme nous aurons à laisser passer toute une année avant de reprendre le fil de notre histoire, nous nous hâterons de faire connaître le résultat de cette conversation. Le squire, voyant bien qu'il serait impossible de persuader son fils de renoncer à son projet de mariage, se contenta de lui faire observer qu'il était bien jeune pour songer à se marier. « Vous vous êtes marié à 21 ans, » dit Frank. « Oui, et je m'en suis repenti avant d'en avoir 22. » Ne lui dit pas son père. Il proposa enfin de laisser à Mary le temps de consulter son oncle et finit par obtenir de Frank la promesse qu'après avoir pris ses degrés universitaires au mois d'octobre, il irait passer quelque temps à l'étranger et qu'il ne reviendrait à Greshamsbury qu'après avoir atteint sa 23e année. « Il l'oubliera peut-être, » se dit le père en posant ses conditions. « Il pense que je l'oublierai, » se dit Frank en y souscrivant, « mais il ne me connaît pas. » Quand Lady Arabella réussit enfin à voir son fils, elle découvrit que le moment de lui faire la leçon était passé. Il lui dit presque avec sang-froid que ses plans étaient arrêtés, et lorsqu'elle apprit ce qui s'était passé à Boxall Hill, elle ne put blâmer le parti qu'avait pris son mari. Elle se dit, avec plus d'assurance encore que le squire, que Frank oublierait Mary avant la fin de l'année. « Lord Buckish est à Paris avec l'ambassadeur, » se dit-elle. Lord Buckish était son neveu. Et Frank oubliera bientôt Mary Thorne lorsqu'il sera avec Lord Buckish et qu'il fréquentera des femmes vraiment belles et à la mode. Mais elle n'abandonna pas pour cela son système de persécution contre les Thorne. Elle y réussit d'autant mieux que le docteur Filgrave était déjà réinstallé à Greshamsbury. Frank alla faire une autre visite à Boxall Hill et eut aussi une entrevue avec le docteur. Mary lui apprit tout ce qu'elle savait de sa triste histoire. Il ne lui répondit que par un baiser qui lui fut impossible d'éviter, le premier, le seul qu'il eût jamais déposé sur ses lèvres, et il partit. Le docteur lui révéla toute l'histoire. « Oui, dit-il, je la connaissais déjà. Chère, bien chère Mary, ne croyez pas, docteur, que je puisse l'oublier jamais. » Et ils se séparèrent. Frank quitta Greshamsbury et fut absent tout le temps de son exil, c'est-à-dire 1 an et 1 jour.